19h30, nous passons donc directement à l'actu de cette semaine. C'est parti donc. Le point sur le programme, c'est la Minute Info. Voilà, le chanteur tient l'un des premiers rôles dans Break qui, c'est Slimane, un film de danse avec Sabrina Ouazani et Kevin Michel dans lequel il incarne le rôle d'une personne handicapée. Plusieurs questions lui avaient été posées lors de cette interview telles que « Après la musique, te voici au cinéma, c'était un rêve de toujours ?» Slimane aurait répondu « J'ai dû faire ce rêve étant enfant, oui, je suis un enfant du cinéma, il y a des films dont je connais les répliques par cœur et j'ai toujours aimer réciter devant mes amis pour les faire rire. Il avait également ressorti « J'étais terrifié » en réponse à la question « Étais-tu stressé le premier jour du tournage ?» Il poursuit en certifiant qu'ils l'ont vraiment mis dans les meilleures conditions pour que ce premier tournage se passe le mieux possible. Il dit également déjà avoir connu Sabrina Ouazani et rencontré Marc Fouchard qui n'est d'autre que le réalisateur ainsi que toute l'équipe avant le tournage. N'oublions pas que pour parfaire ce rôle, il a été travaillé dans des centres de rééducation au contact de grands accidentés, handicapés et souvent lourdement. Vous pouvez retrouver cette actualité sur notre site internet Hilar FM en plus complet. Voilà. Nous passons tout de suite à la deuxième info. Celui-ci parle de Lily Allen qui dévoile enfin son quatrième album No Shame, un disque plus introspectif produit par Mark Ronson. On rappelle qu'elle a été connue pour ses tubes Smile, qu'on va entendre tout de suite. Mais encore, le titre Fuck You, très intéressant. N'oublions pas de rappeler que ce titre est diffusé sur Hilar FM. Lily Allen n'avait pas sorti d'album depuis en 2014. Pour fêter la sortie de ce nouvel album, Lily Allen dévoile le clip chaotique de Lost My Mind à regarder sur notre site internet hilarfm.com ou à écouter dans le 19-20h. Après Tiger Bang ou Iger, voilà, si, j'espère que je le dis bien parce que je ne parle pas anglais, la chanteuse de 33 ans continue d'exploiter des sonorités plus posées et calmes. I cook some feeling, now I sense a change, something beautiful has slipped away, ou I let you in and then you disappear. Excusez-moi, c'est vraiment pas évident. Chante-t-elle ici en poussant sur sa voix dans les aigus, une chanson qui revient sur la fin de son mariage et le chaos des derniers instants avant la rupture inévitable. Cet état émotionnel, Lily Allen le symbolise dans son clip à travers une tempête qui se matérialise dans l'intimité de sa chambre à coucher. Sans dessus dessous, la chanteuse perd lentement pied.